J'suis de mauvaise humeur, ce matin je lui ai mis derrière. La devise ne jamais parler pour rien. Alors ferme ton claque-merde, nous on s'en bat les reins. Parler pour ne rien faire, on fait pas ça. Se coucher dans une affaire, en vrai, on fait pas ça. Balancer un mi-frère, ne fais pas ça. Fuck tous ceux qui veulent me faire. Prends tes sous et barre-toi. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Nigga be talking about killers, it's scary. Only fuck with my killers, squad. We don't fuck with these niggas, no. Fuck nigga better keep they distance, ew. We popping out, one time we popping out. Ain't no shooting from a cop, nigga. Phone them hopping out, let's get the shit. We the shit, movie clip, shoot a script, gang shit. Niggas wanting that fame shit. Little phone them gon' change shit. Nigga better change quick. We real niggas, let's get it. Let's get it, let's get it. So you better keep your hands on high. Yeah. Cause I can't trust these niggas, nah. No. Let's get it. Yeah. Parler pour ne rien faire. On fait pas ça. Se coucher dans une affaire. En vrai, on fait pas ça. Balancer un des frères. Ne fais pas ça. Fuck tous ceux qui veulent me faire. Prends tes sous et barre-toi. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'la paix. Profond dans ses fesses. Les heures du match, fais un bain minuit noyé dans l'ivresse. Pas besoin de sucer pour me faire des amis. Ils parlent de mourir, je sais qu'ils aiment trop la vie. Oui, je veux faire des gros sous, me casser loin d'ici. Dealer, Sabri, c'est 4 pour mes ennemis. Je vis la rue, 9-4, c'est de là d'où je viens. Afif, j'en mets petit bas chez les Marocains. Ruine, bâtiment bus, quoi. Lundi 1er septembre, sortie de Corleone. La Crémy débarquera encore dans Planète Rap la semaine prochaine, 2021. Le morceau avec Lil Durk. Le clip est dispo. Allez mater le clip. Après la nocturne, tranquille. À venir, le son de Lino d'Arsenic, VLB, nouveau son de Lino, ça arrive dans un instant. Et la Sofiane qui est passée cette semaine dans le Planète Rap de la Crim. Son nouveau son s'appelle Bang. On va le réécouter maintenant. Bonne soirée, vos messages 41759. Le hashtag La Nocturne, le hashtag Skyrock, ça arrive direct dans le studio. Planète Rap. 100% explicit lyrics. Just one more time. Yup. Un jour tu pleures, un jour tu cries. Bang, bang, bang, bang. Au nom de mes frères et du fils, brrr. Au nom du père et du fils, brrr. Fini les fêtes et liées, j'ai le NCIS sur moi et mes complices. Descends de poudre, on glisse, brrr. C'est dans ta tête qu'il y a qu'on vise. Loup comme un pote, t'as du lot, ton frère c'est pas ta faute si tes potes sont pisse. Ich, viens, so, boys, nigga. Pénurie d'ennemis, black, Rolls, Royce, nigga. Gold dealer, si peu de beef. J'ai tous les flots de la street, la chatte à chief, kiff. Mec, on a connu Tahlel. Mec, on a connu Tahlel. Quand elle était haram. Mec, on a connu Tahlel. Mec, on a connu Tahlel. Mec, on a connu Tahlel. Quand elle était haram. Tu le brûles, tu le brûles, tu le fumes. Blanc, coq, sou, sushi, sushi. Mr. Baloja, Mamou, Dou, Pichi. L'alerte est donnée, les boys sont rangés quand les condés rappelés. L'alerte est donnée, les boys sont rangés quand les condés rappelés. rallume pas le siège, elle est plus vierge si on la doit t'avant. Rappe le siège arrière, 200 traits dans la boîte à gants. Et les darons font bleu, bleu. Et les petits frères font bleu, bleu. Et les petites sœurs font bleu, bleu. Un jour tu pleures, un jour tu cries. Gosse suspect, béton camouflage. J'vois les flics à 3 heures. Occupe les vides, ça sent l'outrage. Même sans taser, y'a de l'ambiance électrique. Écraseur de crâne de grec, fric. Le béton crame, on réplique, on les canne, lève le majeur. Faut niquer les rageurs. Faut sortir le croco, chargeur plein dans les locaux. Naser, un autre truc, j'prends de la laser. Le filtre est Marocco. La 90 Air Max, la joue Kaiser. Sauser les fumes Marocco. J'rappe à la faveur des halls explosés de nos vies low cost. Nouveau son de Lino dans la nocturne, 100% rap français, VLB. Le 8-6 Bavaria, alcool blanc rouge, navigator. Guerreville, si commissariat, lâche la colle, donne le split, son alligator. Y'a des boulettes, survêt, Roland Garros. Roule, fais les fils du carrosse, 20 gourettes, fil à Châtelet, racole, 3 quarts cuir et paulette, j'puis en vis à Sarrow. JM Weston, Scott Cosmos, Kaya 90s. La police questionne, on dit rien, c'est violent, mais c'est pas elle, elle est pas dramatique. Soirée coupe-gorge, descente RERD, coupe-gorge, bombe puissante, pile à embrouille, pente glissante, tu seras poil, t'es en couille, t'as merdé. 9, 5, cartonné blanche basket, Fred Cartier, monture en bois. Grosse lance et fly jacket, rat quartier, tricard, traîne toujours en bas. Villian et Chirac, Manapani, l'escalampe et l'équipe à l'ancienne. Balade en équipe, reste balance, du porte Calcani, Elian Zen. White Reebok, classique, pas de bout, tu peux te faire droiter si tu l'abîmes. Ah, le coin est gâté, bip bip, moi je te rappelle si je trouve une cabine. Je te paye si je trouve une combine. Sur la tête de mon pop Lacoste. Viens, on va s'ambiancer. Compris, une pause négro. Faut arranger l'extincteur et la crosse. Yes, yes. Billie Jean, Billie Jean. Quand on est vis, les baskets dans ce vide. Billie Jean, Billie Jean, Billie Jean. Quand on est vis, les baskets dans ce vide. Billie Jean, Billie Jean, Billie Jean. Quand on est vis, les baskets dans ce vide. Kaira dans le sang, on peut pas changer. On l'a dans le sang, on peut pas changer. Kaira dans le sang, on peut pas changer. On l'a dans le sang, on peut pas changer. C'est la nocturne 100% rap français. Mehdi dans la place, avec colonel. Avec un petit foot dans les couloirs. Karim, t'inquiète, ça arrive le son d'Alonso. Ça arrive, ça arrive. La Nocturne 100% rap français, nouveauté découverte de la Nocturne. Il s'appelle Enfant de la crise, ça sortira fin septembre, un EP. C'est Selim qui nous a rapporté ça, on lui passe une dédicace. Et le morceau c'est À bout. 100% rap français, planète. La Nocturne. C'est moche, pour eux faut garder le sourire, cacher les soucis. Ouais j'apprécie avant que le son devienne limite agressif et que tu rétrécisses. Quoi qu'on en dit, j'aime la vie. Faut juste que je gère la vie sur des détails qui poussent au vice. Oh j'aime traîner dans ma ville, voir heureux la mif, garder l'esprit vif même si les poches sont vides, boy. On vit à bout de souffle, à bout de la crise de nerfs. Quoi faire d'autre que de se battre quand tu vois le regard de nos tristes mères. Oui, ça donne le mal de mer, mais les bons moments font que j'oublie très vite les soins et les salles de mer. On est à bout, mais rien n'a blessé l'âme. Gros c'est pour ceux qui étaient là quand il fallait sécher tes larmes. Même quand tu demandais pas de l'aide. On peut pas prendre notre envol, mais grâce à tout ça, on bat de l'aile. Voilà comme d'hab. On n'achète pas les vins avec de sous-table. On en chicha. Avec le bénéfice du shit, cherche à devenir official. Petit bisminaire pour mon fiche, pour mon chiffre. Je n'ai pas de compte en Suisse, tout est dans le m'sango de la mama. RS4, pas de plaque. Magadji, c'est une Bagdad. Kalash ou le clic-clac. J'ai bu 4 packs. La belle vie de zin. La belle vie de zin. La belle vie de zin. On a bu 12 packs. C'est la haisse, je pague en espèces. Ray de cesse, here we go, bastos dans la portas. Dans la bouche un chouche, sur la tête un chèche. A-L-O-N-Z, j'ai ta reprise comme un comptage. Rabat, Tupac, Malaga, Marseille, go fast. Tu payes pas, chotasse. Tu dis que c'est tahlel, mais c'est une chota. C'est un choix de vie le zin. Un choix de vie le zin. Un choix de vie le zin. Un choix de vie le zin. Je me lève à 15h d'après. Soirée passée crème sous tombé. Encore ballonné. J'affronte les problèmes, m'inganté. J'fais que Salomé. J'baroute en paquet, me suis chargé. Pas tant comme non, les amers, la BLM, waouh. RS4, pas de plaque. Magadji, c'est une Bagdad. Kalash ou le clic-clac. J'ai bu 4 packs. La belle vie de zin. La belle vie de zin. La belle vie de zin. On a bu 12 packs. Bas les pattes, j'ai le gilet pare-balles. Dans le bloc, goule, Polyakov, sa bibi non-stop. Et coupe-gorge, cache, non, la poule, aux yeux d'or, chie des lingos. Choufanigo, chip de bingo, hasta luego. Dans les bois, je pars-back, pars-back. Casque, charque, pour l'encharque, tête de jack. Soirée, man, jack, avec Yves et Jacques. Polo, black, jean, black, toto, black. Trombe, black, roof, black, moto, black. All black, tout est black. RS4, pas de plaque. Magadji, c'est une Bagdad. Kalash ou le clic-clac. Tiens-moi du bisap. La belle vie de zin. La belle vie de zin. La belle vie de zin. On a bu 12 packs. Alors Karim, petit dédicace un petit... Lourd, lourd, dédicace à Alonso, mon gars sûr. La belle vie. Alonso des Psychiatres, ça aussi ce sera l'événement hein, durant cette saison 2014-2015, son album à découvrir prochainement. 100%, 100%, plus Planète Rap. Nocturne, Cozy, le poteau Cozy Nyama. Prochainement dans les bacs, voici un nouveau morceau balancé, il s'appelle Tempête. Les messages 41-759, le hashtag Skyrock arrive dans le studio. Hudson. Champignons, c'est pas en mode sport et mets-leur une tempête. Les Mbila, mets-leur une tempête. Les gendarmes, mets-leur une tempête. La douane volante, les motards, etc. Mettez-leur des tempêtes. En T-Max, mets-leur une tempête. En Clio, mets-leur une tempête. Beatmaker, amène la prod, et t'inquiète pas que je leur mettrai des tempêtes. Nama. Du rap Kaira, j'ai cassé la voix. Je continuerai à prêcher, t'as ma parole tant que j'aurai la voix. En mode énervé, normal, dans mon fond y'a des piranhas. La traîtrise, la jalousie, c'est mal payé comme la ragra. De loin ou de près, je suis le témoin du mal, appelle-moi Denzel. Les potos partis trop tôt sont des anges, même s'ils n'ont pas d'aide. Ramène qui tu veux, négro, moi, c'est de l'éternel. Soit je baisse tout comme Cristiano, soit. Zéro, zéro, 243, ça c'est mon code PIN. Vos punchlines sont trop téléphonés, changez vos combines. Je ferai cocu à ma feuille si t'es mieux que ta copine. À part que je suis du 9-2, je peux rien, qu'est-ce que tu sais de ma vie. J'ai un cerveau de bras de peu comme toi, pourtant rien que tu m'en vis. Je baisse le rap, le vendeur de rêve et tous ces fucking bitch. Mais tourne ta langue cette fois avant que tu speak. Pas le temps de patienter mes nyamas, faut qu'on les fume tout de suite. sur Enyama comme une peine à deux chiffres. Rouillage sur elle comme ce gauche-droite sur ton pif. Négroche sur elle comme ce fumé sur ton spliff. Vrai, reconnaissent vrai, les vrais, c'est Kams et mon flip. Maintenant tu sais que pour foutre le feu, y'a pas que le briquet, y'a pas que le briquet. Tu me demandes un site, quoi c'est gratuit, prends ton temps pour bien t'appliquer. Pour bien t'appliquer. Sur Insta, tu deviens parano, négro, Cartagoma like. Cartagoma like. C'est pas parce que tu connais mon strap british que je profite de charité. Nah, nah. Jim Yam, on fait les choses bien, nous, on les lèche à UT. Qui chasse la gode à Dakar, lève de vous, porte la salité. Coup de batte sur tes chicots, bâtards, si tu fais du karaté. Dans le RAP, y'a des hommes de parole, y'a des bâtards. Yama. Français. 100% explicit lyrics. Nocturne. On va rester avec Cozy, le poteau gradure et Black Brut, SMS sous ma semelle. C'est dans la nocturne, il y a Ice MC aussi avec Corner qui se prépare, c'est 100% rap français. Mais tu finiras sur ma semelle. Ils ont voulu rapper, mais ils sont faibles comme des femelles. Le premier qui bouge, je lui allume sa mère sans sommation. Un, deux, trois soleils. Ils ont voulu clasher, mais ils finiront sur ma semelle. Sur moi, t'as voulu cracher, mais tu finiras sur ma semelle. Ils ont voulu rapper, mais ils sont faibles comme des femelles. Le premier qui bouge, je lui allume sa mère sans sommation. Un, deux, trois soleils. Les garde-côtes, je suis un pirate, Jack. Comme chaque matin, manger le paro. Amener CC, j'ai des bons tarots. En cellule refraîche, je deviens paro. Brut, on a la technique pour les faire bouger. Les feux sont ouverts, il nous reste plus qu'à pousser. La rue connaît Nyama, moi j'ai rien à me reprocher. À 92 km de la bouger. Aussi, gradure, on vient filmer vos projets. Haute scène, Essonne, plus qu'à Bruno QG. J'envoie des piques à CPD de rappeurs, y'a pas d'accusé. Fuck le game, moi je suis pas là pour m'amuser. AZ ne baisse que son poids pour se faire sucer. Ils veulent monter sur la lune, ils ont même pas la fusée. Un sacré petit gré, puis une fois on m'a saccagé. Mon cerveau, tête du réseau, appelle-moi gâché. Je vis grave, jamba, voiture, cagé. Je marche sur ton rap à l'eau car j'ai pas nager. J'ai galéré pour être là, donc viens pas rager. Est-ce que même mes boundélés, personne nager. Chacun son tour, nous sommes tous des passagers. Pense à évoluer au lieu de plager. Sur ton propre terrain, je t'ai piégé. Je reviens magique comme le PSG. Chegué, chegué. Ils ont voulu clasher, mais ils finiront sur ma semelle. Sur moi, t'as voulu cracher, mais tu finiras sur ma semelle. Ils ont voulu rapper, mais ils sont faibles comme des femelles. Le premier qui bouge, tu allumes sa mère sans sommation. Un, deux, trois soleils. Ils ont voulu clasher, mais ils finiront sur ma semelle. Sur moi, t'as voulu cracher, mais tu finiras sur ma semelle. Ils ont voulu rapper, mais ils sont faibles comme des femelles. Le premier qui bouge, je allume sa mère sans sommation. Un, deux, trois soleils. Non, non,

100% rap français. Où est-ce que moi que rap peut frapper? Que rap peut frapper? Condamné à régner, bande d'enfoirés. Que rap peut frapper? En sous-loup et moi. 9-2-3, poigneux, c'est bon. Que rap peut frapper? Mais sans c'est nous, t'auras. Que rap peut frapper? Les guides, c'est ça, Jordan, TM, Télo. Que rap peut frapper? Si le temps est X sont donnés. Que rap peut frapper? Moi je regarde dans le métro. On est déjà à bord le vaisseau. Que rap peut frapper? On s'en bat les coups d'attaquer. On contrôle déjà le réseau. Comment t'allais bien tasser? On passe pas, j'étais comme Neto. Les colons sont dépassés. Indomptable comme ça, mais les deux. Ce soir, deux sons pour vous violenter. Par tous les trous, je vous la santé. Comme tes amis, tes jours sont comptés. C'est ma tournée, c'est pas ma volonté. Donc on ne bouge, j'ai perdu mon temps. Je vais faire des sous, je vais faire des montants. Dans un seul tour, vous trouverez mon clan. Ton seul talent, c'est su, c'est mon clan. Sans pleupera, tu nous fais déborder. Je serai ta mère si mes yeux sont bandés. Derrière, devant, de partout, je vais rentrer. Vous allez vous cambrer, tenez vos gants, perdez vos os. Une fois que j'ai crassé, je fais dodo. Tu vas comprendre que le rap c'est haram. Alors après mon douze, m'en vais pour faire l'odo. Merde, merde, me sucer là. Mais tu, car ça c'est là. À coup, on va te vela. Arrête, qu'est-ce que tu fais là? Fais-la, fais-la, fais-la, fais-la, bien. Paniquez pas, c'est que tu peuras. Bagne ce vrant, que de la peufra. Sans c'est nous t'auras que ta peufra. Les guides, c'est ça, Jordan, TM, Télo. Que ta peufra. Si le temps est X sont sonnés. Que ta peufra. Toi je regarde en rétro. On est déjà à bord le vaisseau. Que ta peufra. On s'en bat les coups d'attaquer. Nous contrôle déjà le réseau. Que ta peufra. Le mental est bien tassé. On passe pas le décorné. Que ta peufra. Les colons sont dépassés. Indomptable comme ça mais les deux. Que ta peufra. Tu veux plus m'entendre, faut m'assassiner. Non j'ai plus leur temps. Je pourrais prêter les billets pour ces sous rentrer. Si je me fais péter, les petits frères prendront relais. Gilet pour mes intérêts, par balle, gilet pour mes intérêts. Que t'as peu frappe dans le que ça, demande à gros ça. Drogue et monnaie dans la cabessa. Sans disant, c'est mon style qui les dérange. Inspiré de Chicago et de sa violence. De ces diapos, c'est les seuls à concurrencer. Je veux croquer dans la femme comme de ta vraie. Je veux croquer dans la femme comme de ta vraie. Je ne grossis qu'un vestu dans la sigme. Nique les sous de la crabu dans la sigme. Tout ça m'amuse, ici la buse. Un bon temps, par balle, mais juste ton anus. Tu fais l'authentique, oui, oui, c'est d'actu. Oui, oui, tu dis tu. Xo, sale, sultan, sale. On va aller fumer. Bagnard français, du mal à nous coffrer comme un nitron de. Bagne français, du mal à nos coffrets comme un nitron de beurre. Nitron de beurre. Sultan, Exo, que de la peufra dans la nocturne, 100% rap français. 9-2-3, pas mieux, c'est bon. Que ta peufra. Mais sans c'est nous t'auras. Que ta peufra. Les guides, c'est ça, Jordan, TM, Télo. Que ta peufra. Si le temps est X sont sonnés. Que ta peufra. Toi je regarde en rétro. On est déjà à bord le vaisseau. Que ta peufra. On s'en bat les coups d'attaquer. Nous on contrôle déjà le réseau. Que ta peufra. Le mental est bien tassé. On passe pas de décor médio. Que ta peufra. Les colons sont dépassés. Indomptable comme ça mais les deux. Que ta peufra. 100% rap français, planète. La nocturne. Allez, il est temps de trinquer à nos ennemis. Passe le sel à tous mes ennemis. Niro. Passe le sel à tous mes ennemis. C'est la nocturne 100% rap français, 100% chirdé, ouais. Comme d'hab. J'suis plus rare qu'un astéro. Gros, cette année, zéro fruit. La rue soulève plus qu'un altéro. 16 tracks, zéro. On débarque dans la villa. Vodka, champagne, rhum, sky et tequila. Invité d'honneur, elle se demande qui est celui-là. Tu médiatisé comme la chatte à Nabila. Méga, c'est des paroles, pas des sportifs. La mix a pleuré, fait mal et la décortique. L'album va les pousser dans les orties. Numéro 1 sur iTunes avant la sortie. Numéro 1 sur YouTube devant n'importe qui. Mon rap est la rue toujours assorti. Tu peux toujours jalouser devant ton ordi. T'avanceras jamais plus vite que Nord. Je retiens mes voûtes droits de M16 et dans les GR sur ses lopettes. Restez pépère, on prend les pépettes. Le reste nique sa grand-mère à l'hypopète. La rue, c'est nous quoi. J'parle aux vrais qui sont concernés.

tête baissée pour mes fautes. Tiens, bras levés sur les morceaux, je vais baiser vos dindes pour les fêtes. Je suis posé au fond du peuple, je guette tous ces négros qui se dandinent. Seigneur, dites-moi si je vaux mieux que Anne rêver que glace, tout ça qui s'empile. Petit coup de fil à mon sauce du 9-3. Petit transat qui s'enquille. Hop, la vie n'est qu'une question de choix. Vous en faites pas pour moi, soyez tranquille. J'ai connu toutes sortes de douleurs, toujours été sur le fil du rasoir. J'en ai vu de toutes les couleurs, tiens, comme le gros cul de ma gloire. Tiens, quelques petits passages à vide, je cherche le plan pour me refaire. Séance UV, séance de squat, c'est tout ce qu'il faut à cette blanche pour me plaire. Libérer mon sang pour vestir, libérer ton bambou aussi. J'rappe pour un public averti, j'rappe comme un AK, j'rappe comme un Uzi. Yeah, négro, j'ai la dose. Rebeu, j'ai la dose. Partout, j'ai la dose. Revoici ton gars, dose. Quelques amis près de moi, entre mon cœur et ma paranoïa. On ne panisse, tu nous déçois. Frappe d'Oscar de la Hoya. LS, Salmonerie ALC 4-5 Orleans, lieu du décès. Igo, que crapule on cessé. Volume à fond, vitre baissée. Igo, plus de 100 kilos décès. Meilleur clés sont stressés, veulent leur dose d'héroïne musique, cuillère, briquet, citron pressé. Yeah, je veux le Panamera noir mat, comme celui de mon pote au Condor. Plutôt la foutre, tu me la faire foutre, c'est ce que j'appelle être du bon port. Bitch, négro, j'ai la dose. Bitch, rebeu, j'ai la dose. Bitch, Babdou, j'ai la dose. Bitch, revoici ton gars, dose. Pour mes raclos, j'ai la dose. Pour mes raclis, j'ai la dose. Pour mes accros, j'ai la dose. Dites bonjour au gars, dose. Resserrez vos strings, bande d'enfoirés. J'suis juste en mercato. Je vais te dire un truc, Igo. Même le soleil brille pas pour tous les endroits de la terre au même moment. Un jour c'est toi, un jour c'est moi. Jury, la famine, 45 Orleans. Hein? Bam, bam, bam. Bitch. Planète Rap, 100% rap français. Cutson, Sadek, Johnny, Nia, wow. Nique clash et les tasses qui passent comme des yens. Je vais mourir comme un brave et vivre comme un prince. Le rap c'est G-Wam, on y rentre à 15. Je suis comme Nas, la menace dans le parc des princes. On ressent pas le stress ni la pression. Ils nous recherchent tous les blessons. Et on va se poser à la maison. Ne t'occupe pas de mes fréquentations. Pas de réconciliation dans le feu de l'action. Personne fera mieux sur 10 générations. On a peur que de Dieu, ils ont peur de l'avion. Aucun décalage entre la parole et l'acte. Et regarde les faits, rapide, précis, rempli le sac. En i, sur le boulevard Voltaire. Oh oui, Dieu, merci, je suis encore là-haut aujourd'hui. Ah, paré, Dalou, Chani, Maché, Riché, très peu d'amis. Moi c'est Johnny, moi c'est Johnny, moi c'est Johnny. Ouais, tu me connais, ouais, tu me connais, ouais, tu me connais, toutes les chambres écartées. Money, money, money, hable money, money, money, hable money, money, money, c'est la langue des quartiers. Attardé sur des bécanes cabrées, 10 coups d'avance, désaccordé. Bébé, avant t'embrasser, je pensais déjà à te faire avorter. On traîne contre OG. Dis-moi qui tu connais, je te dirai ce que t'as commis. J'ai plus de chance d'attraper le sida que de gagner à la loterie. T'as pu faire combien de gentils pour des Giuseppe Zanotti. Dior, Gucci, Prada, Louis V, Giuseppe Zanotti. Dior, Gucci, Prada, Louis V, Giuseppe Zanotti. Dior, Gucci, Prada. Dior, Gucci, Prada. Dior, Gucci, Prada, Louis V, Giuseppe Zanotti. Viens nous lécher la verge, c'est pour les cassos que ma haine se déverse. Avec ta morale, ils se torcheront le derche. C'est pas tes conseils qui arrêteront la verse.

majeur en l'air. Planète Rap. 100% rap français. La vérité, celle-là, je pensais que quelqu'un allait la faire, mais bon. Aïe. Fuck being on some chill shit. Je devais laisser passer la 2 pro en some real shit. Hey, mais les rappeurs oublient de faire vite. Donc tasse de thé en main, bas les couilles comme Kermit. Oh là, pas de stress, j'suis au beurre, négro. Personne ne tient ma plume, j'suis auteur, négro. Et mes concurrents finissent en pleurs, négro. Je le garde, j'lance des pics qu'ils reprennent en cœur, négro. Oh là, toujours rookie, oui, je sais. Mais j'prends 2-3 rookies pour mon entrée, s'il te plaît. Et j'prends 2-3 boudis avant de rentrer, s'il te plaît. Qui le fait bien, fait vite, fait stylé, stylé, oui, je sais. Tout retourner, oui, je vais. On me demande où t'étais, j'suis désolé, je pilotais. J'suis de retour, j'm'y remets. Retour entre guillemets, dans mon assiette, qui je mets. Last deck, bad break, my neck, bad tech, hind deck, mic check, bad 16, bad breast, bad les, atlas, casquette, basket, canette, bad neck, magnet, black Kent, I am black Kent. I am Maghreb, ça j'aime, pas de thème, flaltem, clash, kent, pas de blême, pas de flemme, grave zen, j'agresse, à l'aide, à check et à sec, v'là mon very bad bled, pas de décis, v'là bled, j'ai une very bad cred, wave, OG, pas de crête, baguette, des casquettes, j'rappe depuis la peste, et puis Steffi grave, yes, j'ai une very bad bitch, dans mon very bad click, steady cam, click, very bad click, click, click, very fly chick, very bad hip, lipstick, very sale beat, high kick, medical, trip, véritable shit. Ils diront que j'ai le flow de A$AP, Ness, App, Samplet, App, Vest, Cap, Solo, comme en veste, App, Stress, App, J'fais que passe, efface, texte, abstrait, parfait, Cap, Is, App, est-ce que ça le fait? J'passe la cinquième, comme si j'viens de doubler l'île ou LOL, lame, longue ligne, létale, comme les balls à l'esprit, ledge, comme le lilé, mais profond, comme local, Blacky, logo, toi, local, c'était la lettre à l'ino, mais moi, c'est B comme boy, black, depuis Big Bang, Big Bang, au bout des babines, break, beat, bad bar, boy, barge, comme Brody, Brand, dit dans le body, big bridge, brandy, les brindis brûlés au bec, Benson, pas d'ici comme Denzel, si tu captes la face DC, Washington, Denzel, j'fais que buzzer, on dit que j'ai pas brûlé le beat, pourtant j'fais que braiser, on dit que j'ai pas fait mon trou, pourtant j'fais que baiser, j'parle les mecs ciao, black les mecs cow, j'ai le 7 sur le dos, comme la last c'est les sao, donc j'veux dire comme Cantona, Beckham, Cristiano, et personne passera derrière sur le beat, c'est triste, I know, j'veux une blonde bien fraîche, négro, 8-6, hey. 8-6, pas de Jack, j'veux de la 8-6. Blonde bien fraîche, négro 8-6. Mais tac pas avec les autres dans tes tweets, bitch. Parce que j'suis X-Men comme Hill Bitch. Lil Wayne, pas Lil Twist. J'ai les clés comme Swiss Beats pour les verrous comme Kiss Kiss. Logs, j'ai des Kiss Fist. On sait jamais, sont tous presque parfaits. Comme le dîner sur la 6, bitch. Moi j'leur donne un 6, bitch. Pour big up leur pochette. Et puis j'prends leur pic-pic, ça m'aide pour mes brochettes. Au moment où j'te parle, on vient de shooter un avion de ligne. Donc Blacky est fly, mais à l'aise dans ses chaussettes. Tu sais que ça va venir comme Floyd contre Pacquiao. J'ai le pinceau de Basquiat, l'appareil de Warhol. Tu sais que ça se passe là où j'ai les gants de Balrog. Et tout flingué comme sur Rap Genius, t'as ma parole. C'est money avant les caresses. Je suis solo sur ma falaise. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Une belle petite bombe atomique, un bête de corps, une parole de fusil. J'ai le bracelet électronique, sinon je serais déjà parti dans les îles. Je veux une salope comme Clara Morgan, t'as envie de baiser, j'ai lu dans ton regard. 69-890, bâtiment B posé dans le calme. Le matin je descends dans la promenade, je suis cette barre de fils de pute. Je veux la directrice dans un convoi, avec Félix et Zo, faire sauter le bus. Dehors ça complote, on va te fumer, un jour de pluie te laisser par terre. J'aurai un alibi, j'irai à Miami sur un jet ski sans départeur. Si t'aimes, c'est si t'aimes, je vais te faire. La commis parfait pour décevoir ses frères. Je me donne un tuyau, je vais te faire l'affaire. Je donnerai pas ton nom si le procureur m'enferme. Je suis tellement fier. 10 millions, je serai pas de bite. On dit que le diable m'habite. Connais toute ma vie, que le doute navigue dans toute ma vie. Mon automatique va les faire changer d'avis. Oh, toujours du flow. Pour le fils de pute, elle est donneur des dos. Je pense à mes robes, toujours en cage. C'est beaucoup d'erreurs à convertir en cash. Clique ma page, on est clé barrage. Ton poteau de voyou va devenir l'otage. Besoin de tuer ma rage, va un bon massage à bord de la plage. Ouais, ouais, je mets mon fils dans le X6. 5 ans, il aura fait le Mexique. Ferme ta gueule, imbécile. Il s'est fait 12, c'est pas V6. J'ai tout niqué dans ma piscine. J'ai pas de chat, j'suis pas Messi. J'viens du 9-4, j'me suis fait tout seul. Donc je prends tout, j'dis pas merci. espèce de fils de pute t'as sucé. Y'a des locations qui sont pucées. C'est les vrais qui font que j'ai du succès. Je compte à des vrais tueurs, toi même tu sais. Ne me regarde quand tu as des couilles. Ça c'est pour la vie. Mais comme t'as donné ton petit cul, tu seras jamais mon ami. Poto à 23h, je bois du champagne. Foie gras, pas de stringles. T'inquiète mon frère, je suis toujours le même. Calibré comme un Ringle. Ils parlent tous de moi comme gros Carlos. Bécane, poto, vamos. Je te laisse sortir devant chez toi. T'es mort devant la porte de ton cabos. J'ai jamais sucé, j'ai jamais violé. Jamais de billets gris que des billets violés. Sale fils de pute, vous êtes démodé. C'est quoi cet talon, je vais la démonter. Je suis parti pour tout baiser. Des chartes, des chiffres jusqu'à tes WC. Dans la rue, sur mes couilles que j'ai tout misé. Comme une carapace, pas besoin de savoir viser. Tout le temps, je suis steppy. De toutes les couleurs sont mes yébis. De toutes les couleurs sont mes amis. Russie, Bastia jusqu'au Mali. As-tu saisi? Nique ta mère. Je représente les vrais frères. Je suis déter. Y'a mon album qui va sortir. Madame Echo, c'est lunaire. Avant d'aller auprès de toi, je fume un joint d'herbe. Je me rappelle que je vais mourir avant d'avoir l'âge de mon père. Quel enfer, faut se battre pour avoir la foi. Tu me fais jeter dans mes nerfs avec moi. On est simple, on le présente pas. Sur la tête de ma daronne, que je changerai pas. Que je changerai pas, que je changerai pas, que je changerai pas, que je changerai pas, que je changerai pas, que je changerai pas, que je changerai pas, que je changerai pas, que je changerai pas. La nocturne. Bien loin de la tour Eiffel, tu fais le rêve américain. Sauf qu'à la fin tu te réveilles encore bien raide. À mon papa ne dites pas qu'avec mon équipe en boîte hier on a claqué 10 balles. Mentalité bien française, tu sais qu'on s'arrange. Sur le boulevard avec un range, je viens de niquer ta gonzesse. Je te confirme qu'elle est trop bonne. Non non c'est pas grave, je me crois dans GTA. Je me balade vers Ocean Drive. Ici c'est bien le diable qui les protège sur ma mère. Que d'abus de folle de weed, d'alcool, de prothèse ma mère. Le soleil se couche jamais, c'est qu'une apparence. 3h du mat' ou midi, moi je fais plus la différence. Une pensée pour Rafif, j'y repense quand j'ai des dollars. Je me lève du lit, je jette la pute, je vais changer des dollars. Petit rappeur de merde, arrête de faire les Tommy. Je baisse ta femme, je rappe mon couplet devant la villa de Tommy. Le placard on connaît, moi j'ai squat depuis l'an 2000, ouais. La rue on domine, mon cœur un putain de champ de mine, ouais. Je la fous pas dans zen, enchanté mademoiselle. Appelle les clubs, je fume, il rap français au coin de la 23ème. Moi de respect à mon équipe, gros, par terre. Fais le mytho pour du liquide, gros. On baisse par terre, toujours un œuf bloqué de type chrome. On baisse par terre, on baisse par terre, on baisse par terre. Avec un prototype qui va te crever l'œil. Comme ça, petit bâtard, c'est évitera de me le porter. Ne viens pas m'aborder, je suis avec Jaco, Jean-Mi. On sera fait tellement belle, crois-moi qu'il n'y a personne que j'envie. Le trafic, j'envie, j'attends la paix qu'elle rentre. On a trop mangé Pierre, laissez-nous dans notre 6-40. Tu sais, petit, le mérite, j'en vois les storquer. Y'aura que les grands fils de pute qui viendront pas m'escorter. Ok, là, je suis à Miami. Glenn prend un peu d'image, je veux faire kiffer mon public. Je ne veux pas faire des l'audimat. Moi de encore, je m'endors avec un choc. Et ceux qui me veulent du mal doivent faire l'amour avec un Glock. Glock humaine, nous fusil à lunettes. Ce mec est tellement con qu'il rêve de se faire niquer par lui-même. Oui, mais je veux te la mettre dans le cul, surtout ces temps-ci. Mental sain, tête de Jack, dépoussage intense. Manque de respect à mon équipe, gros. On baisse par terre, fais le mytho pour du liquide, gros. On baisse par terre, toujours un œuf bloqué de type, gros. On baisse par terre, on baisse par terre, on baisse par terre. Le placard on connaît, moi j'ai squat depuis l'an 2000, ouais. La rue on domine, mon cœur un putain de champ de mine, ouais. Je la fous pas dans zen, enchanté mademoiselle. Appelle les clubs, je fume, il rap français au coin de la 23ème. Planète Rap, 100% rap français.

terroriste. Pas de mascarade, grosse allure. Grosse allure. De quoi j'ai l'air? Quoi j'ai l'air? D'une Bugatti. Bugatti. La concurrence, biatch, mascara. Je suis nostalgique, Clio, Baccarat. Mes pièces maîtresses, que seraient les Black Eyed Peas sans Will I Am? Will I Am. Mes négros sortent de tôle. Ce qu'ils veulent, c'est le cul d'Ayem. Nous présenter, non, non, moi je m'introduis, je t'assure. J'ai du bon produit, le chien. R&B, t'es moins bon qu'avant MC. Tu t'en bourgeois, t'en bago. Ah, moi je viens d'en bas, expire. Le soufre, transpire la souffrance. Depuis la tendre enfance, tu sens la haine, sens la haine. Ok, tu veux qu'on communique? Ok, broliquer autour d'une table, autour d'une table. Négocier avec les terroristes, terroristes. Réclame plus de fric pour ma diaspora, diaspora. Promis, après je raccroche les gants. Balboa, tu veux qu'on communique? Ok, broliquer autour d'une table, autour d'une table. Négocier avec les terroristes, terroristes. Réclame plus de fric pour ma diaspora, diaspora. Promis, après je raccroche les gants. Balboa, toi et moi, pas de story. Juste un épisode, Tori. Te transférer bébé, ce n'est pas rentable, pas story. J'suis là pour la coupe, PSG, Blackard, PDG. Table d'écoute, Mola, Omar. Trop technique pour les RG. MC, Dayard, t'as le bonjour de McLean. Arrache le bitume, McLaren. Toujours soigné, Polo Croce sur mes gros becs. Ralph Lauren, Mamie Seb, Valet Bon. B52, j'aime quand c'est carré, quadrillé, burberisé. Je vais tout baiser, mais 68, j'en ai marre de faire la guerre. Fais une pause, 69. Tu veux qu'on communique? Ok, broliquer autour d'une table, autour d'une table. Négocier avec les terroristes, terroristes. Réclame plus de fric pour ma diaspora, diaspora. Promis, après je raccroche les gants. Balboa, tu veux qu'on communique? Ok. Broliquer autour d'une table, négocier avec les terroristes, terroristes. Réclame plus de fric pour ma diaspora, diaspora. Promis, après je raccroche les gants. Balboa, Balboa, Placa, M2S, Classique. Son rap français, planète rap. La nocturne. Allez, je vous rebalance le son de Lino d'Arsenic. VLB maintenant. Yes. Ah. Ah. Lino. VAL 2 heures, gosse suspect, béton camouflage. J'vois les flics à 3 heures, occupe les vides, ça sent l'outrage. Même sans taser, y'a de l'ambiance électrique. Écraseur de crâne de grec, fric, le béton crame en réplique, on les canne, lève le majeur. Faut niquer les rageurs. Faut sortir le croco chargeur, plein dans les locaux, naseur. Un autre qui prend de la laser. Le filtre est Marocco, la 90 Air Max, la joue Kaiser. S'oser les films Marocco, j'rappe à la faveur des halls explosés de nos villes low cost. Varial, col blanc, rouge, navigator. Guerreville, si, commissariat. Lâche la colle, donne le split, son alligator. Y'a des bouettes, survêt, Roland Garros. Roule, fais les fils du carrosse. 20 gourettes, fil à Châtelet, racole. 3 quarts, cuir et paulette, j'puis en vis à Sarrow. J.M. Weston, Scott Cosmos, Kaya 90s. La police questionne, on dit rien, c'est violent, mais c'est pas elle, elle est l'état dramatique. Soirée coupe-gorge. Descente RERD, coupe gorge, bon puissant, pile à embrouille, prends glissant, tu seras poil, t'es en couille, t'as merdé. 9, 5,

Hamilton. De la graisse au placard, j'ai trop roulé ma bite. Te baisse, bâtard, viens nous sucer la bite. Procureur, si j'ai pris, ne prends pas changer d'avis. Pour m'arrêter, faudra m'enlever la vie. Ouvrez les portes du pénitencier. Maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, moi tu m'en sais. Le dodo, ok, ok. Ok, je suis au stepo, ok, je suis dans le camtar. Ok, je suis au dépôt, ok, je suis au star. Tu passes, mais rien ne s'efface. Omer les grosses gaffes, voilà ma déposition. Porte la dédicace, dans le mur la position. De brave la solution. On tue le but, il mérite Dieu, qu'on est les croqués. Écroué, innocent comme d'hab. On se sent aux arrivants, mais y'a du shit comme d'hab. Du seum de la hiyat, pont de zèbre à Nanterre. Le rap français, on le ressuscite, le réenterre. En place, c'est dans la nature. Je marche droit, autant, je peux m'enculer dans le mur, c'est hors la loi. Une cure de liberté ne fait pas reculer. Histoire et système ne font pas reculer. Animaux dangereux placés en correctionnel. Criminel, OMIC, phrasé non conventionnel. La crèche au placard, j'ai trop roulé ma bite. Je te baisse, bâtard, même si c'est la bite. Procureur, jugé flic, on pas changer d'avis. Pour m'arrêter, faudra m'enlever la vie. Ouvrez les portes du pénitencier. Maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, je m'en sais. Sans rap, sans la pouf, le nôtre sans la chenouf. La risque de ouf, je suis droit sorti du new. Moi, je suis dans ton poste comme le H dans ton poste. Je perds mon temps et mon clash, je crois en direct de mon cachot. Quand le chat n'est pas là, les MC font du smurf, tout le malade. Ce qui manque ici, c'est les meufs et j'ai le malin. Dur à la chute vide et ma flûte, s'il te plaît, madame la. Brasse-moi, sale pute. J'ai du genre à faire, plein de comptes à régler. Pris dans le vice, dans la matrice, peux plus m'arrêter. J'ai risque encore d'y passer l'été. Il m'en faut plus pour m'impressionner. Négro, la rue m'a sélectionné. Suspect idéal, cruel, sincère. Même sur l'argent, sur ton seul ma pute, sur rien sert. J'écoute le réquisitoire 8-8-2. Ici, on propose de deux, ici, positoire. Les deux OBA, je suis une vraie histoire, pas un fantasme. Official depuis la préhistoire. Ouvrez les portes du pénitencier. Maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, bâtiment C. La crèche au placard, j'ai trop roulé ma bite. Je te baisse, bâtard, même si c'est la vie. Je suis grave, j'ai GP, on pas changer d'avis. Pour m'arrêter, faudra enlever la vie. Ouvrez les portes du pénitencier. Maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, bâtiment C. Deux autres. Dédicacé à ceux qui rappaient sur beatbox. C'est pour le N3. Le 20-1. Et tu le sais. Pour le 7-7-1. Pour le Nesby. 2 pour le 7-8. Comme 91. C'est moi qui fais la vibe. C'est pour Neuro. 92. Et péter les watts pour 95. Ouais. Calmement. Hey, 9-3 connection, baba. Husky, bonne mélatitude. Du MIC, je tire de suite encore titube. Catastrophe, je vais chanter mon petit tube. Je lâche à mes self-cut en direct de la banlieue sud. Dans la plaque 9-4, arrive à Bastille aux Champs-Élysées. Rafale verbalisée, baisse les vides, fais les baliser. Le Val-de-Marne, mon deuxième pays. J'escalade de Montmélie, atteint le sommet, l'abbaye. 94, mousqueton, accueilli avec des pochetons. Ce que bon, des combats de bite, déguise leur chicot sur le béton. Sorti du dépôt, je remets mes lacets au palais. Y'a pas plus chum, vos balcons. Je m'arrache à la ville du joint, joint file le pont. Dédicace au sablier, malgré un manque de respect en boîte. Je reçois un verre dans la bouche et je te couche avec une droite. Je connais qui, c'est pour mon équipe des bordières. Bellas, Bibax, la section, des crapulas, petite excursion. À 300 km dans les rêves en forêt, à Forger du Tcherno, des tripes en carton à la.

signe. Je sais que le silence n'est pas un oubli. Le son le plus attendu, surtout en période tendue. C'est le son du 9-4, évite les coups tordus. J'ai le cran du 9-4, j'évite les pièges tendus. Et c'est le sang du 9-4 qui coule quand c'est le tendu. Respect, si t'es avec nous, t'as le bras tendu. Le combat continue contre les jaloux et les vendus, contre les envieux et les tordus. Depuis le temps que je tordu, MC, sais-tu que le silence n'est pas un oubli. Danger constant, qu'en étant libéré, je pose une position de combat. Danger imminent, danger constant, qu'en étant libéré, je sens que je t'ai tendu la main, ta foule ne me bouffe pas. Avec ce son, je me mettrai sur l'oreille. Qui y a, corps, en train de texte à corne. Ça fait 16 ans, ça je déchire le nez, je prends les constats. Le routine, mon kéri, le rap comme personne. Comme personne. C'est la fin de la nocturne. 100% rap français reviendra la semaine prochaine, juste après Difool sur Skyrock. Merci à vous tous d'avoir suivi. Une grosse dédicace à tous les messages 41759, le hashtag la nocturne, le hashtag Skyrock. Ça arrivait direct. Il y avait une session classique fabuleuse, tu vois, non? Fabuleux, il a mixé toute la nuit, il a rap R&B en non-stop. Merci à vous tous d'avoir suivi. Rodrigue était là dans le coin. Polop! Je suis là, Polop! Voilà. Vous aussi, j'espère que vous étiez là. Prochaine nocturne, la semaine prochaine. Et lundi, loupez pas, hein. Deuxième semaine de la crime. L'album sort lundi, 1er septembre. C'est vraiment un gros album, la crime. Corleone a pas loupé. On continuera à le découvrir, à parler avec la crime. Ce sera dès lundi entre 20 et 21, juste avant la radio libre de Difool. Ciao! Bon week-end, on y va? Tire le sort. Allez go. Yo DJ, music non-stop. Rapping R&B non-stop. Non-stop. Skyrock. It's my station.